Le point que je voulais faire tout à l'heure sur la fameuse volonté vivante, au niveau des chocs, là, des chocs de l'âme, les chocs à l'âme, puis les chocs à l'ego. Je veux faire la différence là-dedans. Les chocs à l'ego. Les chocs à l'âme, l'homme ne les voit pas venir. Quand vous avez des chocs à l'âme, c'est comme je donnais l'expérience de la famille qui marche sur la rue, puis d'un coup la petite fille se fait frapper par un camion. Les chocs à l'âme, l'ego ne les voit pas venir. Ça prend l'ego par surprise. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un choc à l'âme. Puis ces grands chocs à l'âme-là dans la vie de l'homme, s'ils sont utilisés pour la transmutation des corps, c'est extraordinaire. Mais le problème avec les chocs à l'âme, c'est qu'en général, quand quelqu'un vit un choc à l'âme, c'est très difficile de l'oublier. La mémoire entre en jeu. Fait que la pauvre femme puis le père là, qui viennent perdre leur enfant sous la roue d'un camion, là. Prenez les Juifs, l'Holocauste de 45. C'est très dur d'oublier les chocs à l'âme. Et le point pivotal dans l'utilisation d'un choc à l'âme, c'est dans la capacité de l'ego d'oublier. Autrement dit, là, où l'ego transmute et puise dans toutes ses réserves intérieures, il découvre des dimensions de lui-même qu'il n'avait jamais conscience avant. C'est quand il est capable d'oublier le choc à l'âme. Parce que le choc à l'âme, c'est le plus grand imprimatur que l'être humain peut subir au niveau d'une programmation quelconque. S'il est capable d'oublier le choc, de plus mettre de valeur dans le choc, parce que la valeur, c'est toujours au niveau de l'ego et des sentiments, ainsi de suite, à ce moment-là, l'être commence à utiliser créativement ce choc-là. Et il peut aller très loin avec ça. Ce qu'on vit en général dans la vie, c'est des chocs au niveau de l'ego. On en vit toutes les sortes, on en vit quasiment tous les jours. Les chocs au niveau de l'ego aussi servent à transmuter l'âme. Mais ils ne sont pas aussi fondamentaux que les chocs à l'âme. Fait qu'il y a des êtres qui sont capables de très, très bien dépasser les chocs à l'ego. Tu as des êtres inconscients qui sont capables de dépasser les chocs à l'ego. Et ça va les amener à une certaine transmutation des corps, à un certain niveau. Mais ça ira jamais aussi loin que les chocs à l'âme. Et ça ne risquera jamais autant de les atteindre que les chocs à l'âme. Parce que quand tu vis un choc à l'âme, c'est comme si ta vie s'arrête. Tu sais, une femme qui perd son enfant en dessous d'une roue, là, un père, une famille, tout le sens, tout le sens de ta vie s'arrête. Puis pendant un certain temps, ou peut-être pendant très très longtemps, il y a des gens qui ne reviennent pas de leur choc à l'âme. Moi, j'ai un des cousins dans ma famille qui a perdu son père. Son père est mort sur un plancher de danse, il avait 13-14 ans. Il a eu un choc, puis il n'en est jamais revenu. Ça a été un choc à l'âme. Il n'en est jamais revenu. Il y a des péris, je vous le dis, peut-être 45, 50 ans, là. Il est totalement végétatif. S'il avait une bonne éducation, une bonne psychologie, un bon aide parental, ou des gens qui n'auraient plus rien à le sortir de ça, ben, il serait peut-être devenu un grand pianiste, un grand être créateur. Alors, les chocs à l'âme, les gens qui vivent ça souvent ont l'impression que la vie s'arrête, la vie n'a plus de sens pour eux autres. Et s'ils ne sont pas capables de récupérer cette énergie-là, souvent ils vont vers des grandes dépressions. C'est pour ça que dans la vie, des chocs à l'âme, on n'en a pas trop. On en a peut-être un, on peut en avoir un, peut-être deux. Il n'y en a pas beaucoup de chocs à l'âme. Tandis que des chocs à l'ego, ben, on a tout le temps. C'est important de connaître la différence. Une fille, par exemple, une fille qui se fait violer par ses parents quand elle est jeune, c'est des chocs à l'âme. s'il est capable de récupérer cette énergie-là, elle peut aller très loin, mais il faudrait l'oublier. Puis l'oublier, comme je vous dis, ça veut dire ne pas mettre de valeur dedans. Donc, dans un sens, des chocs à l'âme sont de grandes opportunités pour l'homme. Ce sont de grandes opportunités ou ce sont de grandes portes vers la défaillance. Et ça, ça dépend de l'âme elle-même. Ça dépend de sa structure interne, ça dépend de sa nature, ça dépend de son évolution, et ainsi de suite. Puis il y a des âmes qui ne sont pas capables de vivre ces chocs-là. Éventuellement, elles perdent toute leur vigueur et éventuellement l'âme dépérit. Puis il y a des âmes, au contraire, qui prennent des chocs à l'âme et qui en arrivent à tourner leur vie totalement dans une autre direction et faire de grandes choses. Souvent, quand on lit la biographie des grands hommes ou des grandes femmes dans nos sociétés, souvent on voit que ces êtres-là ont eu des grands chocs à l'âme. Ils ont connu les guerres, ils ont connu des assauts sur leurs personnes. Puis, ils ont pris ces situations-là pour totalement prendre leur vie sous le contrôle et aller dans la direction qui faisait partie de leur nouvelle destinée. Donc, ils disent, les chocs à l'âme sont des opportunités. On ne les veut pas venir, ils viennent. Quand ils viennent, quand on les expérimente, il faut savoir comment les vivre. Puis quand je vous dis que les sortir de notre mémoire le plus vite possible, c'est la façon la plus directe, la plus créative, la plus utile de traiter avec. Ne pas passer notre temps à réfléchir sur ces événements-là, parce que quand on réfléchit trop, la mémoire se développe, et quand la mémoire se développe trop, éventuellement l'astral peut entrer en jeu. Quand l'astral entre en jeu, à ce moment-là, l'homme peut perdre contrôle sur son énergie mentale, et à ce moment-là, ben, il se fait astraliser, puis là, ben, il va encore vers la défaillance. L'astral peut devenir très, très actif chez l'homme quand il vit un choc à l'âme. Beaucoup plus actif que quand il vient un choc à l'ego. C'est plutôt qu'il y a des gens qui vont dire, quand ils vivent un choc à l'âme, les gens vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça? La femme, elle peut bien dire, c'est une bonne catholique, elle peut facilement dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse perdre ma petite fille? T'sais. Il y a une révolte intérieure, bien sûr. Mais ils disent que d'une manière ou d'une autre, la gestion de votre mémoriel, la gestion de vos mémoires, que ce soit des chocs à l'âme ou que ce soit des chocs à l'ego, la gestion de votre mémoriel est fondamentale si vous voulez en arriver éventuellement à bénéficier d'une volonté vivante. Parce que ils disent, dans la gestion de votre mémoire, c'est là que vous avez la chance de contrôler votre psychologie animale. Quand vous avez des chocs à l'ego ou à l'âme, votre psychologie animale elle entre en jeu. Et votre capacité de faire la gestion de votre mémoire, ça fait partie de votre capacité de vous soustraire de votre psychologie animale. Plus vous vous soustrayez de votre psychologie animale, plus vous entrez dans une psychologie mentale. Donc, une psychologie plus intelligente, une psychologie plus détachée du corps émotionnel, une psychologie dont les assises sont plus en dehors de la réflexion. Fait qu'il dit à ce moment-là, mais vous pouvez commencer à comprendre votre expérience. Parce que vous ne pouvez pas la comprendre, votre expérience, si vous êtes trop dans le mémoriel. Mais si vous sortez du mémoriel, vous me laissez le mémoriel là, vous êtes capable de plus facilement de comprendre votre expérience, et à ce moment-là, bien, il y a un processus d'intégration qui se fait. Que ce soit, des chocs à l'ego ou que ce soit des chocs à l'âme, il y a un processus d'intégration qui se fait. Et il y a un agrandissement de l'être. L'être grandit. Mais il grandit par rapport à quoi? Ils disent qu'il grandit par rapport à la conscience des plans. Parce que les plans sont toujours là. Une fois que le canal est ouvert, les plans sont toujours là, tu peux toujours communiquer avec les plans. Fait qu'à partir du moment où l'homme grandit à partir des plans, il développe une conscience universelle. Ça veut dire quoi une conscience universelle? C'est une conscience qui comprend le planétaire. C'est simple de répondre. Une conscience universelle, c'est une conscience qu'on n'a pas besoin des grandes définitions ésotériques. Une conscience universelle, c'est une conscience qui comprend la conscience planétaire, est capable de la comprendre. Elle comprend la vie, elle comprend la mort, elle comprend les accidents, elle comprend les lois d'accident. Elle comprend les programmations. Autrement dit, elle comprend tout. Une conscience universelle, c'est une conscience qui comprend tout. Pourquoi qu'elle comprend tout? Parce qu'elle n'est pas alourdie par la réflexion de l'ego. Parce que si elle n'est pas alourdie par la réflexion de l'ego, ben à ce moment-là, ben, la conscience de l'ego est libre. L'homme a une conscience libre. Ils disent que quand vous commencez à faire de la gestion de votre mémoriel, c'est là que vous commencez à perdre de la réflexion de votre ego. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux états de cohabitation dans votre mental. Il y a une habitation mentale ou il y a une habitation astrale. Autrement dit, vous êtes astralisé ou astralisable ou vous avez une conscience mentale, un des deux. Si vous faites une bonne gestion de votre mémoriel, l'astral, ça va être difficile à l'astral de rentrer dans votre conscience. Autrement dit, ça va être difficile pour vous autres de vivre une conscience astralisée. Fait qu'à ce moment-là, vous allez vivre plus une conscience mentale. Puis avec le temps, mais vous allez devenir très habitué, puis très habile à passer d'une conscience astralisable à une conscience mentale. Puis éventuellement, vous allez avoir de la permanence dans votre conscience. Vous allez toujours être conscient. Vous allez poser faire la méditation. Pour avoir l'impression de l'être. Fait que la mémoire a deux fonctions. Sur le plan matériel, la mémoire a deux fonctions. Dans l'inconscience, la fonction de la mémoire dans l'inconscience, c'est de donner à l'ego l'impression d'être. Votre mémoire, elle vous donne l'impression d'être. Dans la conscience, la mémoire devient totalement fluide. Fait que la mémoire n'est plus pour l'ego dans la conscience. Si vous avez besoin d'avoir une bonne mémoire, c'est parce que vous êtes obligé de canaliser de l'information qui est un petit peu plus reculée dans votre temps mental. Donc, vous avez de la mémoire. Moi, des fois, j'ai une très bonne mémoire, des fois, je n'ai pas partout. Mais en tant qu'homme, je ne m'en occupe pas. Fait que quand je n'ai pas, je n'ai pas. Puis quand j'en ai, je peux en avoir une très grande. Tandis qu'au niveau de l'inconscience, la mémoire, ça donne toujours à l'ego un appui, une mesure de ce qu'il est intelligemment. Bon, mais ça fait partie, cette sorte de mémoire-là est utile, puis si vous l'avez, vous l'avez, puis si vous ne l'avez pas, ben vous avez l'absence, et c'est une autre sorte de mémoire que vous avez. Fait qu'il y a deux sortes de mémoire que l'homme peut avoir, une qui est mécanique, puis une qui est techniquement totalement vibratoire. Si vous avez passé des états où vous avez connu des chocs à l'âme, vous allez être amené, avec le temps, si vous faites une bonne gestion de votre mémoire, à avoir une mémoire plutôt vibratoire qu'une mémoire mécanique. Parce que cette mémoire mécanique-là, vous allez avoir tendance à la neutraliser, à en sortir, à en faire une bonne gestion pour rentrer dans une mémoire totalement vibratoire. puis dans la mémoire vibratoire, même si vous avez eu des grands chocs, vous ne pourrez même plus y penser avec grand choc. Fait qu'à ce moment-là, la souffrance de ce grand choc-là se dissipe. Puis ce qui vous reste, mais c'est une alliance avec le plan mental, à ce qu'on appelle le monde de l'esprit. Il y a quelqu'un qui me demandait, il dit, comment ça fait que c'est si dur? Pourquoi est-ce que c'est si dur d'être en contact télépathique avec le plan mental? Ma réponse a été que le contact télépathique avec le plan mental, il part d'en haut. Tu peux pas aller aux Indes et dire, bon, mais je vais revenir avec un plan mental, avec une connexion au plan mental. C'est eux autres qui rouvrent la connexion. Ça fait partie de ta vie, ta programmation, si t'es prêt, bon, whatever it is. C'est le plan mental qui fait le contact avec l'ego planétaire. Comme c'est le plan mental qui fait le contact avec l'ego planétaire, le rôle de l'ego planétaire, c'est de se préparer à ça. Autrement dit, rendre ça plus facile. Comment est-ce que l'homme peut rendre ça plus facile? En faisant une gestion créative de sa mémoire. Fait que quand vous avez des chocs de vie, ou des chocs à l'âme, utilisez ces chocs-là en faisant une bonne gestion, autrement dit, en ne mettant pas de valeur dedans. Et ça va faciliter le contact avec le plan mental. Parce qu'on y a tout le contact avec le plan mental. Le seul problème, c'est que la conscience intérieure ou la voix intérieure n'est pas suffisamment unifiée. Donc, on a ce que j'appelais à soir, une division de l'écoute. C'est ça que ça crée. Ça crée une division de l'écoute. Mais si l'homme ne mettait pas de valeur dans les chocs de vie ou les chocs de l'âme, il en arriverait facilement à une unification de l'écoute, parce qu'il serait obligé de comprendre son expérience à partir d'un ego qui est objectif. Fait que la petite fille se fait creuser en dessous de la roue d'un automobile. La femme est obligée de savoir mais pourquoi est-ce que ça s'est produit. Si elle va intérieurement, elle va en avoir une réponse. Si elle est capable de l'absorber, la réponse, donc absorber la déception, la grande déception, elle va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que la petite fille s'est faite frapper. Si elle n'est pas capable d'absorber la déception, parce qu'elle n'a pas les corps pour, elle est trop motivée, elle est trop confuse, elle est trop whatever, à ce moment-là, elle va rester dans l'expérience et elle ne pourra pas en bénéficier. Ça va faire partie de sa programmation. Parce qu'une fois que la petite fille est morte, eh bien, elle est morte. C'est tout ici qui est pogné avec la mémoire. Regardez ce qui se passe quand on apprend qu'un de nos amis est mort, puis qu'on va le voir au salon mortuaire, on le voit dans la boîte. Ça nous donne toujours un choc. On dirait qu'on n'est pas capable de dire la mort. Pourtant, c'est lui qui est bien. Nous autres, on est encore dans la merde, tu sais. Pourquoi l'attendre notre boîte à nous autres? Elle va venir plus tard. Voilà. Puis on dirait que le monde ne sont pas capables d'y aller avec ça. Puis dans le fond, c'est parce que c'est eux autres, là, inconsciemment, là, c'est eux autres là, qui viennent de perdre quelqu'un. Mais si la personne était réellement objective, puis elle verrait que l'autre est rendu sur le bord, à ce moment-là, bien, elle sécherait ses lames beaucoup plus vite, elle pourra faire une gestion de la mémoire beaucoup plus facilement, prendre ce choc à l'âme-là si c'est un parent, ou prendre un choc de vie si c'est une autre situation, puis grandir avec ça. Mais c'est pas ça qui se passe. Moi, je ne vais jamais dans un salon mortuaire. J'en ai des chums. Moi, j'ai eu des chums là, que j'ai connus, des amis qui ont vécu chez nous pendant des années de temps. Qui ont vécu chez nous. Ils sont morts. Il y en a un, sa tête, un soir, est après manger à Noël, puis la tête est tombée dans l'assiette de spaghettis. Quelqu'un m'a appelé et il dit, bon, ben ton chum, Sonny Collins, il est mort. J'ai dit, comment est-ce qu'il est mort? Ils ont dit, bon, la tête est tombée dans l'assiette de spaghetti. Il y a une crise cardiaque. Bon, j'ai dit, ben, tu vas-tu au salon mortuaire? Non, je visite pas les morts. Je peux leur parler. J'ai parlé un petit peu. Ben, c'est facile pour moi de parler avec eux autres quand ils sont morts. Mais aller dans le salon mortuaire pour aller voir les morts, non. Je vais peut-être le faire pour ma mère, mais quand même. Pourquoi? À cause de ma famille. Pour pas les scandaliser. Mais si j'ai pas de famille, je n'irai pas voir. Ça va changer quoi? Elle est morte. Prendre un ticket d'avion, descendre ici, tout le... Mais ça, ça ne fait pas partie des conventions humaines. Fait que moi, les morts, je ne visite pas ça. Visiter un mort. Mais leur parler, ça n'a pas parlé. Je leur donne, ils n'en parlent pas trop longtemps, un petit peu. Mais ça, moi, je vous dis ça, là, c'est mon expérience. Je ne veux pas dire de ne pas visiter les morts, allez visiter les morts. D'ailleurs, vous avez besoin de visiter les morts pour vos émotions. Quoi? À propos de nous parler juste du fameux phénomène cette semaine à la suite de la mort de Maurice Richard, un phénomène collectif. Ouais. C'est un phénomène collectif, ça. C'est une hystérie collective, c'est normal. C'est un grand bonhomme, un grand joueur d'hockey. Mais de là, aller prendre mon char, puis descendre en ville, puis. Je vais même pas voir mes chums, tu veux pas aller voir Maurice Richard. Mais je comprends la population. Ça fait partie des grands actes de dévotion sociale. C'est la dévotion sociale. C'est normal, ça fait partie des lois sociales de la société. Mais là, je parle de l'individu. Même si j'avais connu Maurice Richard personnellement, j'irais pas le voir dans sa tombe. Il parle à la maison, chez nous, mais aller le voir, c'est plein. Fait que c'est la séparation qui est dure, c'est à cause de l'émotion, parce qu'on n'est pas capable de faire une bonne gestion de notre mémoire. La dissociation, ça fait pas. La dissociation, ça fait pas. C'est encore affaire de mémoire. Mais ça, c'est normal. L'homme a une conscience animale très développée, c'est normal. Je pense que la seule personne que je vais voir à la mort d'un cercueil, c'est ma mère. Puis encore, il y a des chances que je ne sois pas là. Si je ne suis pas là, puis si je suis à l'étranger, mais ma famille va dire, Bernard est à l'étranger. Fait que c'est probablement comme ça que je vais régler le problème. Parce que là, ils vont tous venir me voir. Les condoléances. Puis moi, ça fait des années que je ne vois pas, puis je ne veux pas les voir. Pas parce qu'ils sont pas fins, parce que ma vie est trop différente. Fait que là, je vais y voir, là, parce que ma mère est morte. Ils se rencontrent toutes, là, quand quelqu'un meurt, ils se rencontrent toutes. Fait que je peux pas jouer ça, ce game-là. Fait que probablement, on va être en France. Quoi? C'est très, très possible que je sois là. Mais je peux pas leur dire ça, tu sais, je peux pas dire ça à ma mère. Les forces lâchent le morceau parce que, à cause de sa relation avec une personne qui sait ce qui se passe, sont obligés d'acquiescer à une volonté supérieure. C'est des lois de conscience. Votre question est très intéressante. Ce que l'homme connaît pas, il ne comprend pas des plans. Ce que l'homme connaît pas, il ne comprend pas des plans. C'est qu'il n'y a pas de disparité entre les plans et l'homme. Il n'y a pas de séparation entre les plans et l'homme. Mais il y a beaucoup d'ignorance de la part de l'homme, de la structure puis des lois des plans. Puis l'homme est obligé de les apprendre, ces lois-là. Ça, on appelle ça l'évolution. Une fois qu'ils apprennent ces lois-là, le problème créatif n'est plus. Là, parce que j'étais là, puis j'étais un initié, puis je suis capable de parler avec eux autres, à ce moment-là, j'ai temporairement créer le lien entre eux autres, puis moi, à travers lui, pour que ça se fasse. Mais un jour, il faut que l'homme en arrive à le faire par lui-même, ce lien-là. Ça, on appelle ça la conscience créative. C'est le lien entre la haine et la volonté qui fait que... Bon, ben, il n'a pas assez. Il n'y a pas assez de lien entre la haine et la volonté. Il est tout dans la graisse de bine, là, les forces spirituelles, puis le bon Dieu qui crie, tu sais. Comme j'étais là, mais je l'ai fait, ça. Moi, je l'ai, le lien entre la haine et la volonté. Je l'ai, ça. Je suis fait de ça. Fait qu'à ce moment-là, mais ça lui a facilité temporairement l'expérience, puis ça lui a permis de comprendre comment ça marche. Fait que c'est une façon d'aider l'homme. Mais l'homme, il va un jour, graduellement, au fur et à mesure que cette psychologie évolutionnaire va s'appliquer dans sa vie individuellement, il va arriver au même résultat. Avez-vous toujours eu des réponses que vous vouliez aux questions que vous vouliez? Ouais, j'ai toujours eu les réponses aux questions que je veux. Par contre, il y a des questions que je peux pas poser parce qu'ils vont me marrer. S'ils veulent pas que je sache quelque chose, ils m'empêchent de le demander. Fait qu'à ce moment-là, je ne sais pas. Ça veut dire, mets toutes tes affaires, là, puis on t'en parlera plus tard. Ils m'empêchent de le demander. S'ils m'empêchent de leur parler, je peux pas leur parler. Ça marche des deux bords. Ça marche des deux bords, mais je vous ai toujours dit que la pensée, c'est un mouvement bidirectionnel. La pensée, chez l'homme inconscient, il pense qu'il pense. OK, ça on le sait. L'homme conscient, surtout l'initié, est très, très conscient que la pensée, c'est une énergie qui vient du plan mental, qui descend vers le plan personnel. Et quand elle part du plan personnel et qu'elle va vers le plan mental, elle fait encore partie du plan mental. Mais chez l'homme en général, il n'est pas permis de vivre une dissociation aussi grande parce que l'ego, sans fusion, l'ego perdrait son esprit. Tandis que une fois que tu es en fusion, à ce moment-là, tu n'as plus la crainte de perdre ton esprit. Fait qu'à ce moment-là, prendre conscience que la pensée vient d'en haut, puis que la question vient d'en haut, ça ne te dérange plus, parce que tu n'es plus polarisé dans le mental. Quand ta vie doit être normale, autrement dit normalisée, à ce moment-là, il t'est donné l'impression que en haut ça te parle, puis de bas en haut tu leur parles. Ça, c'est dans la vie normale. Mais s'ils veulent te faire comprendre des aspects un petit peu plus occultes du monde mental, sont très, très capables de t'empêcher de penser, de leur parler à eux autres, puis que tout ce qui vient, ça vient d'en haut. Mais l'homme, en général, ne vit pas ça. Pour vivre ça, il faut que tu sois fusionné. Autrement dit, tu n'es réellement pas in the game, puis tu es capable de vivre la canalisation parfaitement, et à ce moment-là, ben, ils vont te le démontrer, ça. Mais chez l'homme, en général, quand il y a de l'information qui vient d'en haut, l'homme est capable d'avoir une question qui vient d'en bas, puis il a l'impression que c'est lui qui la pose. Mais moi, ils m'ont déjà démontré que s'ils vont encore plus loin, ils sont capables de couper la question d'en bas, puis c'est avec eux autres qui parlent. Mais ça, c'est ça de la fusion. Mais l'homme n'a pas à vivre ça. Par contre, ça permet à l'homme, à l'initié, de comprendre les lois occultes du mental, pour pouvoir les expliquer parfaitement. Tu sais, quand tu te fais dire, tu es intelligent, tu es capable d'additionner 1 plus 1, essaye donc, puis tu n'es pas capable, là tu comprends. Qui c'est qui run le show? Puis après ça, ils disent, bon, vas-y, là, additionne 1 plus 1, là tu es capable. Ah. Ou tu dis, ou ils disent, pose-moi une question, tu essaies de poser une question, tu es capable. Puis après ça, ils disent, bon, pose-moi la même question, tu essaies, tu n'es pas capable. Intéressant, conscience.